trop souvent dans le raid, dans le flou. Mal au cœur, le froid, l'âme, comme celle de nos mères. Que Dieu l'écarte. C'est trop triste. Ouais, ouais. On est mal ici, frère. Muermo. On va se battre. Pas le muermo. Parce qu'on est sûr de rien. Sûr de rien, on va pas jouer les sourdes oreilles. Vu que t'as dormi sous son règne, imprègne ton dos sur le mur, j'papote. Trapote parce que j'vis, aspire bien. Le monde dit de l'économie souterraine. Rox, Intox, ça se vit au Dow Jones ou Marie-Jeanne. Jeune, non jaunis au mur, jaillit quand l'argent au jour fait jouir. Malgré qu'au final, le cerveau bouille pour y sourire. À ce qu'on connaît mes larmes, attendu la larme. Ne continue à stagner, arrive au stade où aimer son quotidien nous condamne depuis l'acné. J'suis en apnée, remplis-moi les bouteilles que j'décoffre, que j'plane. Et ces bras prennent trop de place dans le karma. Et ouais, dans ce grand manège, faut des jetons que ça pagaille sans vendre la neige. Dehors il fait froid, l'Algérie nous va le dire. Le mental sort souvent sans son manteau. Affronte le globe parfois sans se réveiller à l'aube. Pas de robe mouillée par l'ovo, c'est se mentir. Et très tôt, vieux bureau, essaye de ne pas l'être. Malgré que ce système frappe, j'ai les bases années en basal. Viens l'envie de brassage, sorti de la school. Pas le souvenir d'avoir étudié ce climat. Ça vire du mauvais temps à l'orage, c'est clément. Ma foi, force de clame, c'est de longue terre à terre, au corps à corps. On donne de l'importance aux choses sans se douter. Pour nos mères au bord de ces fenêtres, tu vois qu'on craint plus de calme de flics que si des pompes funèbres. Nous, la vie, c'est blue, sport. Ça part du crime psychologique, des pères paraplégiques au trac technologique. La vie, c'est blue, sport. Les gars, il suffit pas de taper le pao. Ils veulent des nerfs là, ce que j'ai la vie, c'est blue, la vie, c'est blue, sport. Crime psychologique, père paraplégique, trappe la technologique. La vie c'est blue sport. Les gars il suffit pas de taper le pao, ils veulent que les nerfs lâchent. Après avoir subi le séisme de l'adolescence, compris que vivre ici se limite à l'apparence. Et au tribunal grandes instances, certains se rangent, d'autres engrangent la haine aussi importante que cette distance nous séparant des bombes humaines. On veut pas faire basculer le régime, non. Mais Christophe Rocancourt est bien né dans ce régime, non. J'parle pas de Johannesburg, mais de ce qui se passe sur votre toit. De vos crimes psychologiques, nos pères paraplégiques. On voit toi levé d'Afrique, trop riche en terreur. Et si on t'insulte, t'es mort, un être qui tend du terreur. Orphelin quand le soleil se lève, le monde tout le monde trop crève. Le monde vient de nous dans ce qu'on s'achnéna. À force de nous faire croire qu'on est différent. On veut du fer et Jean-Franco, histoire que le barbeau soit dans l'indifférence. Pour nos mères au bord de ces fenêtres, qui voient qu'on crée plus de calme de flics. Ça part du crime psychologique, des pères paraplégiques au trac technologique. La vie c'est blue sport. Les gars il suffit pas de taper le pao, ils veulent tes nerfs là, ce que j'ai la vie c'est blue. La vie c'est blue sport. Crime psychologique, père paraplégique, trap la technologie. La vie c'est blue sport. Les gars il suffit pas de taper le pao, ils veulent tes nerfs là. La vie c'est blue, la vie c'est blue sport. Ça part du crime psychologique, des pères paraplégiques au trac technologique. La vie c'est blue sport. Les gars il suffit pas de taper le pao, ils veulent tes nerfs là. La vie c'est blue, la vie c'est blue sport. Crime psychologique, père paraplégique, trap la technologie. La vie c'est blue sport. Les gars ils suffit pas de taper le pao, ils veulent tes nerfs là. Que j'aime pas, lâche de leur part. On a l'âge rage ici, l'âge rage. Et en vrai, si maintenant on part en couille, eh? Si maintenant on a décidé de péter les plombs, de faire n'importe quoi, eh? Faut se contrôler, hein? Les gars, maintenez le rythme, faut se contrôler. J'ai pas su le faire, moi. Come on.